Bonjour tout le monde et bienvenue sur Radio Nouga, la radio qui nous regarde. Je suis Jean-Jacques Bolizier et je serai votre hôte pour cette soirée aux couleurs de la Martinique. C'est bien ça comme intro, non? Non. Mais ça peut être, on pourrait se lancer dans une radio dans les îles. Hein, il y a un potentiel quand même. Ouais, mais non. Non? Non. Non, bah vous êtes pas sur Radio Gaga, la radio qui nous rend gaga. Vous êtes sur Splash Wave Radio. Nous sommes les YOLO Recorders. Je suis Puck, il est Venom. Je crois. Et nous sommes lundi. Et ça fait longtemps. Ça fait longtemps et c'est pour ça que nous avons décidé de revenir vers vous en ce moment décisif. Et oui, très. Alors, décisif en quoi, on ne sait pas, mais nous revenons. Parce que pour ceux qui nous écoutent, vous avez pu remarquer que ça faisait un moment qu'on n'était pas là. Et c'est parce qu'on s'est pris des vacances. Voilà. Avec l'argent des abonnés, on est parti en vacances. Oui, non mais exactement. On a raison. Mais comme on a beaucoup d'abonnés, on a pris des longues vacances. Très longues. Voilà. Comme oui, voilà, exactement. Voilà, comme comme un M. Oui, ouais, voilà, comme un M. Pas le mien, hein, bien sûr, mais comme un M en général. Oui, bah les M, tout le monde le sait, c'est très long. C'est très long, bah, forcément. Vrai M, hein, pas les M qu'on achète chez Carrefour, hein. Non, les vrais M, c'est très très long. Mon Dieu. Ah oui, ça c'est. Voilà. Et bien sur ce, bonne soirée. Et à la semaine prochaine. Et puis à la semaine prochaine. On a changé le format de l'émission, c'est plus court maintenant. Et au moins, ça nous permet d'en enregistrer plus d'un coup. C'est ça. Du coup, maintenant, on passe à deux émissions par soir et non plus une. On va pas vous carotte non plus. Hein. Comme ça, on vous dit bonjour deux fois, vous dites bonne nuit deux fois. Vous avez l'impression d'être moins seul chez vous. Quelle horreur. Quelle horreur, mon Dieu! Non, nous sommes revenus, nous sommes de retour, nous sommes contents d'être là. Et ce soir, nous allons parler, non pas de la réponse de l'univers, qui est 42, mais pas loin. Nous allons parler de l'agent 47, qui n'est pas la réponse. C'est Binding of Isaac. Non. Mis à part si on peut jouer l'agent 47, mais ça prendrait une tournure un peu bizarre comme jeu. Ce serait drôle. Oui. En soi, The Binding of Isaac, c'est ça. Hein. C'est le même système de jeu, c'est le même gameplay. Ouais. De loin. Enfin, c'est une adaptation. C'est une revisite. Car après tout, tous les jeux sont des revisites d'autres jeux. Ça, c'est vachement philosophique comme pensée, n'empêche. Voilà ce que j'en pense. Tout est dit. Non, ce soir, nous avons parlé de la série des Hitman, qui est une longue série, puisqu'il y a, si je ne dis pas de bêtises, il y a six jeux, parce qu'il y a le premier Hitman, il y a le deuxième, le troisième, le quatrième c'est Blood Money, ensuite il y a Hitman Absolution, là récemment il y a le nouveau Hitman qui a commencé à sortir, c'est comme ça, le nouveau Hitman qui a commencé à sortir, il n'est pas totalement sorti, et à savoir qu'il y a plusieurs variantes. Il y a aussi un mini-jeu qui s'appelle Hitman Sniper Challenge. Oh, mais alors, si on commence à parler des spin-offs et tout... Hein. Voilà, non, mais comme tous les jeux, hein, il y a des spin-offs pour tout, mais voilà, c'est une série de 6 jeux, édité par Square Enix, si je ne dis pas de bêtises. C'est Square Enix, il me semble. Oui, c'est Square Enix. Ouais. Et c'est un jeu, type de jeu, où on joue le rôle de l'agent 47, qui est un tueur à gages professionnel, méticuleux, sans émotion, sans remords, sans culpabilité, puisque c'est un clone. Il fait partie d'une expérience gouvernementale qui crée en fait des enfants, d'où le code-barre qu'il a à l'arrière de la tête, hein, puisque c'était le moyen en fait de les classer, ces clones. Et donc, c'est un clone sorti d'une expérience gouvernementale qui a été recruté par l'agence pour devenir l'un de leurs meilleurs tueurs à gages. Et donc, ils se sont fait chier. Hein. Comment on va l'appeler, l'agence? Oui, non, c'est ça. Voilà, je crois qu'elle a un nom quand même. Alors, je me souviens plus c'est lequel. Être franc, parce que à chaque fois qu'ils en parlent, c'est l'agence. Donc voilà. À savoir que l'Hitman, il y a eu deux films aussi, hein, on va en parler rapidement. Un fait par Luc Besson qui est. Donc il y a eu un film qui est sorti récemment et qui est très bien. Voilà. Bah écoute, moi je veux pas être. Je suis un mec chiant. Je suis un mec chiant, c'est-à-dire que là... C'est pas nouveau, ça. Ouais, mais à l'heure où on parle... Alors, moi, je l'ai pas vu encore. Hein, mais... Donc, il y a le dernier... Batman vs Superman qui vient de sortir. Oui, que je n'ai pas vu non plus. Alors, je l'ai pas vu, mais depuis le début, je n'en pense qu'une seule chose. C'est de la merde, c'est ça? Ça va être de la merde. En fait, je suis le genre de mec, je suis chiant, hein, c'est pas volontaire, mais j'ai l'habitude de penser le contraire des autres. C'est-à-dire que là, t'es en train de très fortement sous-entendre que le premier c'est de la merde et. Parce que je suis catégorique, non, le premier, il est sympa à regarder. C'est pas sensationnel, il est sympa à regarder. Mais le deuxième, je trouve qu'il est plus proche du jeu de base. C'est ça. Bah moi, tu vois, j'ai pas vu le 2 encore, mais j'ai beaucoup aimé le 1. J'ai vraiment, à l'époque, hein, parce que ça remonte, je l'ai vu pas longtemps après qu'il soit sorti, donc il y a presque 10 ans. Ah ouais, ça fait mal. Il est sorti en 2007 le premier Hitman. Hein. Putain, oui, effectivement, ça nous rajeunit pas tout ça. Il est sorti il y a 9 ans le premier Hitman. Et moi, le premier Hitman, j'avais bien aimé, je trouvais ça. Tu sais, c'était un film classique, quoi. Après, le truc pour lequel aujourd'hui je vais pas beaucoup parler. Le truc qui fait que je vais pas beaucoup parler aujourd'hui, c'est que j'ai pas fait les Hitman, j'en ai fait aucun. C'est pas une série de jeux qui m'attire parce que je suis généralement mauvais dans tout ce qui est infiltration. Après l'infiltration. Après, t'es pas obligé de faire toujours de l'infiltration, ça je sais. Mais Hitman, c'est quand même basé sur le principe de l'infiltration, comme les comment il s'appelle truc de Tom Clancy là, sorti par Ubisoft. Splinter Cell. Splinter Cell, voilà. Comme un des Spider-Man dans Shattered Universe. Il y avait un jeu Spider-Man qui s'appelait Shattered Universe où on jouait un Spider-Man noir qui devait tout faire par infiltration. Comme les derniers Assassin's Creed. Parce que ça, on va en parler aussi. Aujourd'hui, mais j'ai voulu tester si Syndicate passait sur mon PC, donc j'y ai joué un peu. On en parlera le jour où on fera une émission sur sur les Assassin's Creed. Ne vous en faites pas. Mais où est-ce que j'en étais déjà? Je sais plus où j'en étais. J'en étais où? Tu te disais que t'étais pas friand de ce genre de jeu. Voilà, c'est pas que je suis pas friand, c'est que je suis très mauvais. Le Spider-Man noir qui fait de la comment ça s'appelle de l'infiltration, j'ai jamais réussi à passer le deuxième niveau avec lui. Assassin's Creed, j'arrive derrière, clac, je fais un coup de lame secrète, je m'avance, clac, j'en fous un deuxième, et puis en mettant le deuxième, il y a 5 mecs qui sont autour de moi et que j'avais même pas regardé, qui arrivent, tapez là, et puis, ça finit en baston général. Où là, je me sens plus à l'aise en baston général, tu vois. Mais voilà, j'ai jamais fait les Hitman parce que j'ai jamais réussi. Je me suis dit, en fait, c'est pas mon type. C'est pas mon type de jeu, c'est pas le genre de truc qui fait aussi que j'ai envie de venir y jouer, tu vois. C'est pas. Moi, je préfère, je le cache pas, hein, je préfère largement un jeu où j'arrive, je me pose au milieu avec ma grosse mitrailleuse, et puis je fais eat shit, fuckers! Et puis bam, bam, bam, bam, et puis tu tires dans tous les sens et tout le monde meurt, tu vois. Hein, je suis plus. J'ai plus de pas de facilité, mais je me sens mieux dans ça que dans un jeu d'infiltration. Et je vais m'arrêter là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et faut qu'on enregistre 3 émissions aujourd'hui. Il est déjà 14h13, donc je vais te laisser commencer avec peut-être nous parler du premier Hitman. Le premier, c'est celui qui pose les bases. Qui pose les bases de Hitman. Tu présentes le personnage. Enfin, je me suis pas attardé sur celui-là vraiment parce que c'est le plus. En fait, le premier. En fait, les Hitman deviennent. Moi, je trouve que le meilleur de tous pour le moment, c'est le quatrième. Parce qu'après le 1, 2, 3, voilà, c'est des successions de missions. Et avec l'histoire. Une sorte de méta-histoire derrière, mais elle va vite. C'est-à-dire que voilà. Ouais, c'est un peu genre, tiens, vas-y, il y a une histoire, vas-y quoi. C'est ça, il y a une histoire, démerde-toi avec, et puis voilà quoi. Mais non, le 4 devient vraiment très très bon, puisqu'il n'y a plus vraiment ce côté méta-histoire. Et c'est pareil, c'est une succession de contrats, mais déjà le jeu, la prise en main est vachement agréable. Il est pour l'époque très très beau comme jeu, mais vraiment. Et surtout, ce qui est très surprenant, c'est qu'on a des possibilités d'approche, c'est-à-dire que je disais infiltration, mais que ça soit niveau infiltration, niveau bourrin, parce que tu peux y aller vraiment en mode YOLO, quoi. Tu as énormément de possibilités par mission, et tu peux recommencer les missions plusieurs fois avec un choix vraiment varié d'approche. Chose qui était moins aboutie dans les 3 premiers, puisque dans les 3 premiers, on était vraiment sur un côté infiltration, avec une mécanique de jeu un peu lourde. Et du coup, ils étaient à prendre en main, c'était pas super agréable. Après, pour voilà, ceux qui sont vraiment fans ont adoré ça, enfin ont adoré depuis le premier. Mais j'ai vraiment eu du mal avec les 3 premiers. Je les ai même sur Xbox, parce qu'ils avaient sorti un pack justement avec tous les Hitman jusqu'au Blood Money. Et c'est pas passé. Voilà, moi je me suis content. Enfin, vraiment, c'est le Blood Money qui est resté, qui m'a marqué. Mais ceux d'avant, voilà, il y a pas. Ça construit la base de l'intrigue et l'attachement qu'on va pouvoir avoir avec l'agent 47. À savoir qu'après, on a eu le droit après le Blood Money un retour avec Hitman Absolution qui est un foirage total. Puisque là, on est plus dans le jeu d'action-aventure où c'est pas vraiment une succession de maps. On a des cibles à tuer, mais là, il y a vraiment une espèce de contexte. Il y a vraiment un scénario derrière, mais du coup, c'est plus trop l'esprit en fait du jeu. On retrouve plus l'esprit Hitman. Et c'est déroutant, c'est-à-dire qu'ils ont voulu poser un scénario pour faire une espèce de jeu qui se suit. Hein, mais malheureusement, on se retrouve avec un action-aventure plutôt qu'un Hitman, quoi. Un assassinat, une sorte de. Ouais, c'est une mini-sandbox, hein, finalement, Hitman. Hein. On peut voir ça comme ça. Et du coup, pas super agréable à jouer avec des fonctions de contrat bonus. Enfin, c'était un peu le foutoir. Donc il a fait un peu un bide celui-là. Et là ils nous reviennent avec un nouveau Hitman. Alors en gros, on joue, ça se passe en fait avant. Alors avant lequel? Le Duel 3, je crois. C'est en fait ça raconte l'intégration en fait de l'agent 47 dans l'agence. Et là en fait on est placé, en fait on a un contrat, un ou plusieurs contrats dans une immense map, dans une immense comparé aux autres dans une très grande map avec des défis à remplir. Donc sur les méthodes d'assassinat, sur la découverte, enfin il y a plusieurs onglets de défis et on peut recommencer à foison le niveau pour pouvoir et bah essayer de d'achever le maximum de défis possible, voire tous les défis. Et c'est relativement intéressant parce qu'on y a déjà plus un retour aux sources par rapport au Hitman. Et une éclate totale puisque on a plusieurs approches possibles, donc on peut passer plusieurs heures sur le même niveau à délirer, à faire n'importe quoi, à explorer ne serait-ce que la map pour découvrir les petits secrets, les petits machins, les petites possibilités d'assassinat possibles. À savoir que il y a un système en fait où on peut en ligne déposer nos contrats ou résoudre les contrats proposés par d'autres joueurs. Et c'est vraiment un retour aux sources qui n'est pas désagréable, pas se mentir. Et très très bon jeu malgré le fait que il y en ait beaucoup qui râlent parce que bah ça va être une sorte de jeu épisodique. Ça va être un jeu épisodique, hein, clairement. Ça va être un jeu épisodique, qu'ils ont annoncé clairement qu'il y aurait une version finale complète et une version boîte qui sortirait en janvier 2017. Donc voilà, ça fait polémique. Il y en a qui disent oui, mais alors ceux qui ont acheté la version complète en numérique et qui vont attendre leurs épisodes tous les mois, si jamais ça ne fonctionne pas et que on se retrouve comme des cons à payer 60 boules pour se retrouver à avoir que un ou deux épisodes jouables parce que le projet était abandonné, comment ça se passe? Et bien on s'en fout, puisque ça reste des spéculations. Pour l'instant, c'est un projet abouti. Qui a l'air quand même, je regardais les chiffres, voilà, qui a quand même bien fonctionné. C'est un projet qui a bien fonctionné, qui a fait un joli chiffre de sortie, qui continue à faire un joli chiffre, puisque il y a des gens qui se sont dit, bah, moi je vais être moins con que les autres, selon leur dire, et j'achèterai épisode par épisode, comme ça je suis sûr de pas payer trop cher. Que tu sens que ces gens-là, ils sont un peu à l'ouest. Ah bah après. Puisque sur le calcul, acheter épisode par épisode revient plus cher que d'acheter, de prendre le risque d'acheter le, on va dire le complete experience. Et oui, effectivement, de se retrouver dans le cas de la spéculation où ça y est, nous annonce que bah y a, finalement le projet s'arrête là et que voilà, tant pis. Sachant que je pense que si ça se passe comme ça, il y aura des dommagements pour les joueurs. Je sais pas parce que... Alors attends, faut que j'allume mon Steam. Mais il me semble que t'es pas obligé d'acheter épisode par épisode. Bah tu... Non, tu peux acheter le Complete Experience, donc à 60 boules. Et du coup, tu as accès à tout le contenu. Voilà, au fur et ça, à mesure. Voilà, c'est ça, c'est le Season Pass. T'en as qui sont soi-disant plus malins que les autres. Et qui ont ce qu'ils disent que bah non, moi je vais acheter épisode par épisode, comme ça je suis sûr de pas me faire gruger. Est-ce que tu non, hein? Non, mais si je vois, mais après ça dépend le prix des épisodes, tu vois, ça dépend combien il y a d'épisodes et le prix. Alors il y a 6 ou 7 épisodes qui coûtent, je crois que c'est 13 ou 15 euros chacun, si je dis pas de bêtises. Après, on a juste le premier qui est sorti pour l'instant. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a le, pour l'instant, il y a le premier qui est sorti effectivement à 13 euros. Mais si ça se trouve, les prochains seront moins chers. Parce que pour le moment, il y a Pour s'aligner sur le prix de l'expérience complète. Pour s'aligner sur le prix de l'expérience complète. Sachant que tu as le... Ouais, non, ça revient pas à moins cher pour l'instant. Ce que j'allais dire, t'as le Upgrade Pack. Moi, je vois ça sur Steam. L'Upgrade Pack, en fait, c'est tout simplement qu'ils ont changé les noms. Hein. Faut être honnête, c'est-à-dire qu'il y a le Intro Pack, qui est l'épisode 1, qui est à 13€ pour l'instant. Le Full Experience, qui est le jeu complet à 50€. Et le Upgrade Pack, qui est à 40€. Et... Ouais, il y aura des gens qui vont avoir pris l'épisode 1 et qui vont avoir pris juste après le upgrade pack ou truc comme ça. Moi, ce que je vois qui m'énerve le plus, c'est les gens qui mettent des pouces rouges au jeu en disant « Oui, encore un jeu en kit, on en a marre de... » Les gens, si, écoutez notre podcast sur FF7 Remake. Hein, et voilà. Vous comprendrez. Parce que moi, j'en ai marre des gens. Moi, j'en ai marre des gens. Voilà. Je le dis, j'en ai marre des gens. Mais donc, du coup, toi, tu as joué juste au dernier. T'as pas, tu veux pas nous parler un peu des anciens, non? Mais en fait, il y a. Je te dis, les trois premiers, j'y ai touché vite fait, mais c'est un jeu qui. Ils sont vachement lourds. Mais quand je dis lourd, c'est. Lourd. Donc, c'est un game. Déjà, bon, visuellement, on a des personnages, t'as l'impression qu'ils se sont mais gavés de stéroïdes à la naissance. Parce qu'on a des personnages ultra carrés. Quand tu colles une balle à un ennemi, mettons qu'il soit dans un couloir et atterrit dans la pièce d'à côté. Je sais pas si tu vois le délire. Ouais, non, mais si. Donc, ouais, non. c'est un gameplay très lourd, une intelligence artificielle relativement très conne. Et je te dis, ouais, une tentative de caler une méta-histoire un peu chelou. Enfin, tu sais, c'est pour ça que je dis que je repère un peu l'histoire, parce que j'ai joué à ces épisodes-là et je me souviens effectivement qu'ils parlaient de programmes gouvernementaux et tout ça, et tout un, et tout oui, tout truc. Et non, quoi. Voilà, la méta-histoire, elle passe vraiment just limit. C'était pas bon. C'était pas bon. Ça plaçait juste le personnage en place, mais c'était pas bon. Et il se trouve que avec l'arrivée de Blood Money, c'était vraiment l'apothéose de Deadman, puisqu'on avait déjà des graphismes plus fins, des personnages plus crédibles, des opportunités, donc le système de déguisement qui était juste, qui était déjà présent là, mais qui était encore plus poussé dans Blood Money, puisque bon, vous pouvez se déguiser absolument tout n'importe quoi, le choix d'armes possibles qui nous permettait du coup de pouvoir assassiner de façon diverse et plus que variée les ennemis. Et surtout le fait de pouvoir générer une situation accidentelle, puisque dans les premiers, on pouvait empoisonner les cibles ou les tuer directement, mais j'ai pas souvenir qu'il y avait ce côté en fait utiliser l'environnement pour tuer la cible et donc faire passer ça pour un accident ou quoi. Alors que c'était vachement présent dans le Blood Money, il y avait honnêtement avec l'environnement un choix, enfin une possibilité de meurtre en fait relativement impressionnante. Et du coup, c'était pour ça que je vous dis, il y a plein de niveaux. Moi, je sais quasiment tous les niveaux. Je les ai refaits sur Blood Money, parce qu'il y a tellement de possibilités, tellement de choses à voir et à faire que c'était hallucinant. Il avait une durée de vie incroyable et c'est ce qu'on retrouve dans le nouveau Hitman. Et c'est pour ça que je fais un peu le zap sur le Hitman Absolution, donc qui est techniquement le cinquième, puisqu'on s'est retrouvé vraiment avec un action shooter. Justement, au contraire, c'est le moment d'en parler, d'expliquer pourquoi est-ce qu'il est mauvais. Pour les gens qui ne l'ont pas fait, pourquoi est-ce qu'il est mauvais ? Bah, il est mauvais parce que les gens réclamaient du Hitman. Et Square Enix dit, bah, on va dire que les gens qui aimaient bien Hitman ont réclamé que Hitman revienne, qu'on sorte un nouveau Hitman. Enfin, c'est comme la plupart des séries, hein, des licences. Hein, chaque fois, il y a une demande et après, on se plaint. Bon, à partir de là, voilà. Et donc, du coup, bah, ils ont sorti. Tu sens qu'il a été fait en speed, quoi. Ils se sont dit, ouais, on va rajouter des éléments nouveaux, on va essayer de placer un cadre scénaristique de façon à ce que ça fasse un peu jeu couloir. Non plus des niveaux comme ça, des contrats avec différentes cartes, mais vraiment un jeu sur la continuité. C'est pas différent. On va pas passer de carte en carte. Non, c'est une continuité. C'est des niveaux qui s'enchaînent. Pour le moment, c'est-à-dire que pour le moment, il y a qu'une seule carte qui est sortie. L'autre, je sais pas quand est-ce qu'elle sort. Ça sort début avril, je crois. C'est ça. Mais là, sur le prochain Hitman, ça sera pas, par exemple, tu joues à Paris et après, tu passes. C'est vraiment des cartes distinctes. Ah, fuck. Enfin, des cartes différentes. C'est pas, toi, t'as pas une carte reliée par un tunnel. C'est ça ce que je veux te dire. Dans Absolution, c'était ça. Tu choisissais pas, en fait. Tu passais pas de carte en carte et de contrat en contrat. Tu avançais dans le jeu comme tu avances dans un Uncharted, dans un Tomb Raider. Enfin, tu vois. Ouais. Système d'avancée en aventure avec des options rajoutées comme c'était l'instinct. Alors que tu as dans le nouveau Hitman, il te permet de repérer tes cibles et les ennemis et tout ça. Dans Absolution, il te permet de repérer tes cibles et tes ennemis, mais en plus de te camoufler. C'est-à-dire que quand tu prenais n'importe quel costume, pour être sûr de ne te faire griller par personne, tu activais ton instinct et tu passais devant tout le monde sans te faire gauler. D'accord. Alors que là, dans le nouveau Hitman, déjà dans les anciens, quand tu avais un costume, si tu faisais quelque chose un peu suspect, paf, t'étais grillé automatiquement. Oui, ce qui est normal. Voilà. Mais après, une fois que tu avais un costume, tu pouvais avoir accès enfin, ça dépendait du costume, mais généralement, tu pouvais avoir accès à n'importe quelle zone plutôt easy, quoi. Alors que là, dans le nouveau, tu as des zones, tu ne pourras pas y accéder sans telle invitation, sans tel costume. Et à savoir que même déguisé, tu as certains personnages qui te reconnaissent, qui peuvent te reconnaître parce qu'ils connaissent toute l'équipe. Par exemple, tu prends un costume de soldat. Et parmi ces soldats, t'en as quelques-uns qui peuvent te reconnaître, même si tu ne fais rien de suspect, qui peuvent te reconnaître s'ils te voient, parce qu'ils connaissent tous les autres soldats. Et du coup, c'est pas parce que tu es déguisé que tu vas les duper. Tu vois, à la gueule, ils vont savoir que c'est pas bon. Alors que d'autres, ils font pas spécialement gaffe, donc à partir du moment où t'as le costume, ça passe, ils calculent pas, quoi. Et du coup, c'est vachement plus intéressant. Et donc, pour revenir à l'Absolution, tu avais toujours ce système donc de changer de costume, mais qui n'avait pas de réel intérêt en soi. C'était moins logique cette option. Et t'avais des défis avec des objectifs à remplir par rapport à tuer telle personne ou faire telle chose avec telle partie de l'environnement, mais c'était. Tu sentais que le truc, des fois, il était rajouté un peu en force, parce que c'était un peu du forcing, le rajout de l'élément de décor, parce qu'il fallait que ça passe. Donc, du coup, voilà, c'était pas non plus, c'était pas du viol, hein, le jeu, mais c'était pas spécialement, tu sentais que c'était, le truc transitoire, c'est ce qu'on appelle le jeu rapporteur, quoi. C'était un peu le Windows Vista d'Hitman, quoi. Oh, la pas bonne comparaison. C'est mauvais, ça. Non, mais c'est ça. C'est que Vista, ça a été sorti pourquoi ? Pour générer de la thune pour qu'il puisse travailler sur Seven. Oui, mais très honnêtement. Seven qui a été sorti aussi pour qu'il se fasse de la thune et qu'il puisse travailler sur le 8 et le 8 qui est sorti pour. Enfin, voilà. Ainsi de suite. Mais voilà, Vista, c'était quand même The Référence. Mais voilà, c'est ça en fait. Ils ont senti que c'était plus pour faire plaisir et pour apporter de la thune, pour travailler sur, enfin, tu vois, pour peut-être apporter de l'argent à cette licence-là pour sortir autre chose. Et ce qui, c'est ce qui a été fait, puisque on a maintenant le nouveau Hitman. Et plus intelligent, puisqu'il y a eu, voilà, il y a eu des critiques qui ont été faites sur l'avant-dernier Hitman qui ont été entendues, puisqu'on a dit que voilà, l'instinct, c'était intéressant de rajouter l'instinct pour opérer ces machins, mais il n'y avait aucun intérêt à pouvoir comme ça tricher. Enfin, ouais, c'était une triche, quoi, c'est une sorte de cheat, hein. Pouvoir du coup se cacher aux yeux de tout le monde avec n'importe quel costume, enfin, c'était un peu abusé. Que finalement, c'était mieux le fait d'avoir des cartes, des grandes cartes avec différents contrats à honorer plutôt que cette espèce de côté aventure qui n'allait pas, action aventure qui n'allait pas du tout avec l'idée sandbox de base des Hitman. Et puis voilà, plus de choses à voir, plus de choses à faire, et c'est ce qu'on a en fait sur ce nouveau Hitman. On a un jeu qui revient aux sources, parce qu'on retrouve on retrouve la puissance de Blood Money et des anciens, et en même temps qui apporte des nouveautés, mais bien mesurées, bien calculées. Et donc du coup vachement intéressant et vachement long en fait, ne serait-ce que sur les niveaux d'entraînement qu'on a et sur le premier gros niveau qui est disponible, il y a quand même de quoi largement s'occuper jusqu'à la sortie du prochain épisode, puisque il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à faire, il y a plein de défis à réussir, et tellement d'opportunités, quoi. Et des opportunités bien trouvées. Dire que voilà, c'est les éléments de l'environnement qui te permettent d'être un peu exotique dans ta façon d'honorer ton contrat, c'est pas du forcing. Il n'y a pas de forcing. C'est que voilà, c'est bien amené, c'est bien logique, c'est bien... par exemple, t'as un mec, donc dans la première mission, tu dois tuer un mec, et tu peux par exemple t'infiltrer dans, parce que c'est un défi in mode, tu peux t'infiltrer en fait dans les coulisses, ouais. Rendre malade un des mecs qui doit défiler, et du coup, comme le mec est malade, bah, le mec que tu dois assassiner va prendre sa place pour défiler. Il va défiler à sa place sur l'estrade, et donc toi, pendant ce temps-là, tu peux monter tout en haut, donc là où c'est bien gardé. Donc déjà, faut se dépêcher, mais c'est bien costaud. Et tu peux te débrouiller, en fait. Est-ce que tu as une je sais pas comment on appelle ça, une plateforme d'accroche, en fait, où il y a un immense lustre qui est juste au-dessus de la scène. Et tu peux... je trouve plus mes mots, c'est atroce. Tu peux pourrir le mécanisme, enfin, le saboter. Voilà, je trouvais plus le mot. Tu peux saboter le mécanisme pour que le lustre tombe sur la gueule du mec. D'accord. Et donc, du coup, voilà, c'est toi, hop, c'est un accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu, c'est un tragique accident. Et donc, toi, du coup, tu n'es pas, il n'y a pas de soupçon de meurtre puisque c'est un accident. Donc, c'est comme ça. Donc il y a pas de soupçon, enfin les gardes, l'envie, enfin les gardes, les tout ça, les policiers, ça ne soupçonne pas un meurtre. C'est un accident, c'est comme ça, et tu peux pareil te débrouiller pour que la mort de l'autre connasse, sa femme là, ça soit aussi un accident. D'accord. Donc du coup voilà, après tu peux y aller, le mec il est dans un coin, il est tout seul tranquille, paf, tu lui colles une bastos dans la tête, ou tu lui mets un coup de seringue empoisonné, ou tu lui envoies un couteau de cuisine dans la tronche, ou tu lui envoies un marteau dans la nuque et tu le traînes un peu partout pour le balancer dans la scène. Il y a énormément d'opportunités. Pareil, parce qu'en fait, quand tu réussis des défis, tu débloques des points de maîtrise, et ces points de maîtrise-là te donnent accès à de nouvelles options de démarrage, d'assassinat. T'as un nouveau panel d'armes et d'équipements qui se débloquent. Et par exemple, tu peux commencer sur une espèce de grands échafaudages. Et en fait, le but étant de claquer les deux mecs, enfin les deux personnes du contrat uniquement au sniper, mais pareil sans te faire repérer. Tu peux, pareil, grâce au sniper, faire ça de manière. Un lustre ou une connerie du genre. Oui, faire péter un truc, ou alors te débrouiller pour lui coller de bastos, c'est que le corps soit en fait, enfin le tuer au moment où la personne est dans un endroit où on viendra pas la chercher, quoi. Donc pareil, en fait, il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Tu retrouves ce côté un peu sandbox qui était vachement jouissif, quoi, puisque finalement, tu pouvais faire preuve de créativité dans le meurtre. C'était magnifique. Mmh. Et du coup, il retrouve vraiment ce qui fait la signature, quoi, Hitman. Signature, c'est un bien bobo. Oui, non, mais Hitman, c'est un jeu. Quand tu vois, quand tu parles Hitman, tu vois ce que c'est. Il y a pas d'autres jeux, on va dire, vraiment qui ressemblent. Enfin, Hitman, c'est Hitman, quoi. C'est une licence forte. Et elle a failli se perdre, alors qu'elle était bien lancée, hein, pourtant, depuis le premier. Il y a eu vraiment que du mieux, hein, jusqu'à Blood Money. Avec le Hitman Absolution, elle a failli, cette licence-là a failli perdre sa signature, puisque tu te retrouvais avec un jeu. C'était en gros comme si un studio te sortait un jeu avec des éléments que tu retrouves dans les Hitman, mais avec remasterisé, un remake mal foutu, quoi. Et donc du coup c'était inquiétant. Et c'est vrai que quand j'ai entendu parler d'un prochain Hitman, j'étais un peu sur la réserve. Et du coup j'ai un peu suivi via le 3 et autres, hein, l'évolution, enfin ce que c'était vraiment, ce que ça allait donner, l'orientation que voulait Square Enix par rapport à ce prochain Hitman. Et là, je me suis dit, il m'a carrément tenté. Je me suis dit, je le veux. Parce que, on retrouvait le Hitman, on va dire, au niveau de Blood Money, mais avec l'évolution qu'il aurait dû avoir sans Absolution. Donc, c'est pour ça que j'ai été tout de suite tenté par ce nouveau Hitman. Donc voilà, c'est une série de jeux qui est intéressant. Très intéressante, qui est très forte, puisque il y a pour moi, ça fait partie des licences cultes, les Hitman, et des bonnes licences. C'est-à-dire que c'est une licence qui a foiré une fois, qui a fauté une fois, mais qui s'en est bien sortie. Et qui reste fidèle à elle-même. Qui a de très mauvais spin-offs, par contre, en revanche, qui a vraiment des spin-offs un peu à chier, mais qui reste une très très bonne licence. Voilà. D'accord. Parce que moi, comme je le disais, j'ai pas joué au Hitman. D'ailleurs, je vais regarder rapidement. Ouais, on arrive à 40 minutes, donc il va être temps de faire la petite pause musique. Moi, j'ai pas joué au Hitman, donc personnellement, C'est vrai que le peu que j'ai vu, c'était Pete qui jouait, qui le streamait un peu, et lui, je me souviens quand il arrivait pas à faire une mission, qu'il se foirait à un moment, il sortait la grosse arme et il tuait tout le monde. Tu peux faire ça, y a pas de problème. Et moi, ça m'a toujours beaucoup fait rire. Sur ce, on va faire une petite pause musique et on va revenir juste après pour la deuxième partie de l'émission. À tout de suite, les gens. À tout. Et voilà, on est de retour, la musique était parfaite. Collait parfaitement comme l'ambiance, tout ça. Mais comme toujours. Toujours, toujours, toujours. Et c'est pas des musiques random qu'on met la veille de la diffusion. Veille pour le lendemain. C'est mais ça, non. C'est jamais, j'en ferai jamais ça. Bah attends, on n'est pas des... Hein ? Oh, quand même. C'est mal nous connaître. C'est bien nous connaître. Mais ça suffit. Donc, fils, oui. Maintenant que tu nous as parlé des jeux, surtout du dernier, de quoi c'est que tu vas nous parler maintenant? Eh bien, comme vous connaissez mon goût particulier pour les bons films, et que j'adore tanner mon monde à parler cinéma, quitte à faire chier j'assume totalement. On va parler des Philippe Mann. On a commencé à en parler au début. Tu m'as mis un petit stop. Léger. Petit mais stop du coup. Léger. Non, mais il y a eu deux films. Il y a eu deux films Hitman. Et au vu de ce que le jeu propose, c'est vrai que je me dis, l'adapter, c'est pas forcément évident. Donc, tu peux te permettre d'adapter le personnage, d'orienter sur un scénario un peu libre, quoique cohérent, et puis voilà. Mais alors, nous avons deux films. Le premier étant sorti avec Luc Besson, j'ai dit effectivement que c'était de la merde. J'ai été un peu fort dans mes propos. Puisqu'il, moi je l'ai vu plusieurs fois, il se regarde facilement. Ce qui est gênant, néanmoins, c'est ce côté Luc Besson où tu ne sais pas pourquoi le casting est pas folichon. Le jeu d'acteur de certains personnages est pas folichon. Et où, pourquoi de merde, il faut qu'il y ait le héros qui tatane des Noirs et des Chinois. Pourquoi ? Parce que... Parce que Luc Besson... Alors après, je sais pas si c'est Luc Besson qui l'a fait. Le premier Hitman, il me semble que... Ou alors c'est Luc Besson qui l'a produit. Il me semble plus que c'est ça. Il me semble que c'est... Enfin, à partir du moment où Luc Besson est là... Mais pas forcément, parce que... Bah, très, très, très sincèrement, moi, il y a des films de Luc Besson que j'aime beaucoup... Ah non, je dis pas que Luc Besson fait que de la merde. C'est simplement que les films d'action. Voilà. Après le truc qu'il a, c'est qu'il fait. Et moi, je suis assez d'accord avec lui. Oui, attends, la réalisation du premier Hitman, quand même, et de Xavier Jeance. Si ça ne te dit rien, ça a quand même été le réal. De Frontières, de The Divide et d'un segment dans The Abysses of Death. Et là, tu vas être en train de me dire, what the fucking fuck? Voilà. Et non, franchement, c'est des très bons films. Xavier Jean, c'est un. Moi, c'est un film que j'aime. Enfin, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Il n'était pas scénariste sur Hitman, mais c'était réal. Et franchement, au niveau de la réal, il était vraiment bien. Il n'y a rien à dire sur le Hitman, hein. Ben je sais pas, j'ai trouvé. Je sais pas. Sachant que, après, en fait, je pense que. Enfin. Ce qui est effectivement, entre guillemets, choquant, c'est que. C'est un film qui est plus action que infiltration. Ouais, mais même sans ça, c'est le comment dire. Le dernier qui est sorti, c'était aussi action, mais... Bah moi, le dernier, je sais pas. Je l'ai pas vu, mais de ce que j'en ai entendu, moi, il me donne pas envie, parce qu'apparemment, dedans, il a des pouvoirs, je sais pas trop quoi. Non, alors, il a pas des pouvoirs. C'est... simple. C'est qu'en fait, ça, ils ont repris l'histoire, en fait, d'Hitman. Donc c'est tu vois c'est il découle d'une expérience gouvernementale, ils sont plusieurs, enfin ils sont plusieurs. Et en fait c'est en gros ils ont été formatés, programmés et du coup en fait c'est pas des pouvoirs, c'est des super réflexes qu'ils ont. Et du coup ça donne lieu effectivement à des scènes d'action un peu ouf. On va pas se mentir. Mais voilà, ça a pas d'autre but que de donner lieu à des scènes d'action complètement débiles, quoi, tu vois. Les scènes d'action sont pas débiles. Franchement, les scènes d'action sont bien foutues. Après, même l'histoire est, enfin, c'est relativement prenant parce qu'il y a une histoire derrière. Il y a le personnage qu'ils ont choisi. Et alors, c'est marrant parce qu'en fait, le personnage, ce n'est pas l'agent 47. Je spoil vite fait parce que moi, je pensais en fait que c'était l'agent 47, mais pas l'agent 47. C'est un agent. Et ils ont en fait à la fin, t'as le petit clin d'œil où ils sont dans la voilà, ils ont affronté tous les dangers et tout ça. Et l'agence envoie un agent pour les éliminer. Et c'est l'agent 47. Et le vrai agent 47. D'accord. Voilà, donc t'as le petit clin d'œil de fin qui est tout mignon, quoi, qui est mimi, qui est choupi. Mais le film reste. Moi, je l'ai trouvé plus agréable à voir que le premier. Le premier, voilà, il se laisse regarder, mais je trouve qu'il était plus agréable à regarder que le premier. Ah, moi, je sais pas. Alors, j'ai pas vu le 2, hein. Va vraiment falloir que je le voie, Mais c'est pas vraiment le 2, en fait. C'est pas une suite logique, hein. C'est. Oui, non, mais voilà. Enfin, je l'appelle le 2, c'est pour. Tu vois bien. Mais. Je sais pas, moi, le 1, je l'avais vu à l'époque, et comme je te dis, je connais pas les films. Je connais pas les jeux. J'ai pas joué au jeu, et pour moi, il y a toujours ce souci d'adaptation. Parce que, par exemple, pour un film comme Hitman, t'imagines si tout le film, ça tournait autour du mec qui doit tuer des gens et qui du coup se cache dans la ventilation, descend, tue quelqu'un, repart, et puis c'est fini, il va chercher un autre mec. Ce serait Oui, non, chiant. mais c'est pour ça, c'est pas un jeu qui est évident à adapter, ça c'est clair, parce que t'as pas de. Mais t'as un personnage que tu peux quand même peux mettre en scène, que tu peux valoriser dans un film avec un bon scénario, une bonne histoire. Et le premier, je trouve que Bah, le premier, c'était moins ils bien oublient foutu. carrément l'agence et trucs comme ça en fait. C'est juste ça. Bah t'as plus l'aspect agence, le mec, tu sais plus trop ce qu'il fait, puis le problème c'est que il y a un côté trop humain. Bah justement, moi enfin, je l'ai toujours vu comme humain le perso Non de. mais humain comment dire, dans les réactions émotionnelles. Ouais, après ça on sait pas, tu vois. Parce Enfin, que après je l'ai pas vu en. dans les jeux, tu te rends compte qu'il arrive quand même, enfin que, on va dire, c'est pas un peu le projet foiré, mais presque, parce qu'il a quand même une certaine sensibilité, mais c'est bien amené, tu vois. Et je trouvais qu'il y avait moins ce côté contrôle, en fait, sur le premier, c'est-à-dire que tu retrouves, en fait, la sensibilité atténuée qu'ils ont réussi à mettre dans le jeu vidéo, dans le deuxième film qui est sorti. C'est-à-dire qu'il est très méthodique, très concentré, mais il a quand même un côté, enfin voilà, il y a un côté un peu sensible. Tu retrouves une caractéristique légèrement humaine. Le problème dans le premier, c'est que voilà, il se laisse trop. Tu vois, il y a des moments où il se laisse envahir par les émotions. Il se trouve à, tu vois, il tombe. Enfin, tu sens, c'est à peine voilé qu'il tombe amoureux de la fille, Ah que oui, du clairement, il tombe coup. amoureux de la fille, oui. Mais tu vois, alors que dans l'autre, en fait, dans l'autre film, en fait, il va pour ouais, sauver sa sœur. Mais t'as pas ce côté sentimental, tu vois. Il y a une sensibilité parce que c'est son frère, enfin, c'est sa sœur. Mais atténué, comme dans le jeu, en fait. C'est bien modéré. Tu retrouves vraiment l'agent froid, implacable, méthodiste. Qui ne se laisse pas, tu vois, déconcentrer par ses émotions, tout ça, parce que normalement, il peut pas, parce qu'il n'a pas, il ne ressent pas d'émotions. Et tu le retrouves, hein, alors que dans le premier, il se retrouve des fois lourdé par les émotions, quoi. Tu te dis, mais ça respecte moins le personnage. En fait, il y a moins le respect du profil, hein, du personnage du jeu dans le premier, alors que pourtant c'est l'agent 47, c'est le agent 47, alors que dans le nouveau film, il y a, voilà, c'est pas forcément, tu peux pas être fidèle à l'histoire parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, tu vois, mais ils sont plus fidèles au personnage dans le dernier film que dans le premier, je trouve. Et après, enfin, moi ce que j'ai vu, comme je te disais, moi je connais pas les jeux. Donc moi je les ai vus en tant que film. Enfin j'ai vu le premier en tant que film. Et en tant que film, il tient carrément la route. C'est un bon film. J'irai pas. Après, c'est pas forcément une bonne adaptation. Ah oui, non, mais c'est ce que j'ai dit, c'est l'adaptation est pas fabuleuse pour le premier. Sur le fait que ça se regarde bien, je te rejoins parfaitement. C'est juste que le deuxième se regarde mieux, puisque c'est plus crédible. Malgré le fait qu'il y ait le super réflexe, il y ait des scènes d'action un peu oufissimes, c'est plus crédible par rapport au personnage. Ouais, mais il faut connaître le personnage. Et moi, je le connais pas. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, bah après, si oui, quand tu connais pas le personnage, Ouais, après, t'as, effectivement, t'as un avis différent. Donc, effectivement, après, c'est en fonction du. Ouais, après, c'est l'affinité que t'auras par rapport à la réalisation et à la tenance scénaristique par rapport au premier et au deuxième film. Après, c'est ça qui va jouer sur ton appréciation. Mais. Non, mais je trouve qu'il est. Ouais, voilà, même si tu te dis je connais pas le personnage, je trouve qu'il y a un conflit. Il est, je sais pas. Il est mieux réalisé que le premier. C'est pas un excellent film, mais je trouve qu'il est plus sympa que le premier. Plus immersif. Après, il faudra que je le voie. Franchement, non, il vaut le coup. Moi, au début, j'étais pas chaud pour le regarder parce que j'ai fait, ouais, voilà. Même la bande-annonce, je me suis dit, ouais, voilà. Je suis bon, après, je vais regarder ce que là, c'est Hitman. Je me dis, bon, ça me permettra de faire un comparatif avec le premier, tu vois, qui est sorti. Et ouais, non, j'étais plus dedans que le premier. D'accord, non, mais je peux comprendre complètement. Je trouve que même niveau scénario, c'est. Je sais pas, c'est plus accrochant. C'est, je sais pas, il y a quelque chose. Il y a un truc en plus. Non, puis je trouve que les scènes, même, enfin voilà, je trouve que les scènes, même les scènes d'action sont plus, c'est pas pareil, c'est voilà, il y a. Après, moi, je pense que voilà, le truc qui joue beaucoup, c'est le fait que je retrouve plus le personnage, comme je l'ai dit, hein, je trouve plus le personnage dans le deuxième film que dans le premier. Je pense que ça joue énormément pour moi dans l'appréciation que je peux avoir du film. Mais même sans ça, je trouve qu'il est les plus intéressants à regarder. D'accord. Donc après voilà, c'est chacun son avis. Hein. Je sais que, enfin, en soi, les deux, j'ai regardé les avis sur les deux, en gros, sont quasi identiques. Hein. Il n'y a pas grand monde qui a accroché. Hein. Alors que sur ce que j'ai pu lire, que ce soit des critiques de ciné, mais genre les critiques de cinéma ou les critiques amateurs sur des forums, les avis sont les mêmes. Enfin, sont quasiment que ce soit le premier film ou le deuxième, les avis sont quasiment identiques. Hein. Les gens ont pas plus adhéré. Bah moi, je sais pas, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient que le 2 était beaucoup mieux. Oui, mais il y en a qui disaient. C'était ça, ils disaient que c'était beaucoup mieux, mais il n'y a pas eu un réel engouement, quoi. Oui, il n'y a pas eu de réel engouement, mais bon, en même temps, c'est vrai que c'est assez difficile. Mais ce que je peux. C'est comme tu disais, c'est ce qui est compréhensible, puisque à adapter, c'est pas évident. C'est pas un jeu qui t'offre matière à. Mais ce que je trouve quand même surprenant, c'est que c'est un jeu qui ne trouve pas matière vraiment à faciliter une adaptation. Et pourtant, ça reste quand même une bonne adaptation correcte comparée à d'autres films qui sont adaptés de jeux, qui te pondent quasiment un scénario sur un plateau et qui ont été complètement flingués, quoi. Et avec ce recul-là, moi, je trouve, c'est ça que j'ai trouvé un peu surprenant, c'est que je me dis, mais putain, c'est dingue, quoi. C'est qu'avec un jeu qui facilite pas l'adaptation, ben, il y a deux films quand même relativement bons qui sont sortis, alors que tu, pour moi, c'est un traumatisme. Vraiment, je l'ai vécu comme un traumatisme. Le pire tout pire pour moi, même à côté, Alone in the Dark est une bonne adaptation, hein, pour te dire, c'est Max Payne. Ouais, mais alors Max Payne. Ouais, mais toi, je me dis Max, enfin, je me dis de tous les jeux à adapter, Max Payne, c'est celui en soi, tu pouvais pas le foirer, puisque t'avais le storyboard, mais vraiment offert par Rocksteady. Honnêtement, c'était offert. C'est-à-dire que même en te permettant des libertés, tu pouvais avoir un visuel, tu pouvais avoir un scénario, mais t'avais pas besoin de te fouler, quoi. Parce que, voilà, c'était cadeau. Et honnêtement, moi, c'est ça que ça m'avait marqué. Parce que quand j'ai vu qu'il y avait un film, moi, j'espérais que ça. Franchement, après avoir joué aux deux premiers Max Payne, j'attendais que ça, c'est qu'ils en fassent un film. Parce que je dis, s'ils en font un film, ça peut être que génial. C'est pas Et quand Uwe je. Boll qui a fait le. Max Payne, j'ai un gros doute. Il me semble que c'est Uwe Boll. J'ai un gros doute. Mais oui, mais tu vois, mais pourquoi il n'y en a pas un au moment où Webull a dit bah moi je vais le faire, pourquoi il n'y en a pas un qui s'est levé, qui lui a mis une claque dans sa gueule, qui a dit non, je m'en occupe, tu Ah peux non, pas. c'est pas Uwe Boll, c'est John Moore. Bon bah Attends. ça va alors. Enfin John même, Moore. pareil, John Moore, quelqu'un aurait dû se lever, le gifler ce mec-là à ce moment-là quand il a Oui, mais pondu son idée enfin, quoi. John Moore, c'est le réalisateur de Die Hard 4. Et alors, il est bien d'ailleurs 4. Bah C'est le ça, il est bien. réalisateur de La Malédiction aussi. Oui, bon, celui-là est un peu moins bien, mais Mais non, non, mais Die Hard 4 est pas bien quand tu vois les trois autres. Non, il est pas bien, quoi. non, il est pas. Non, c'est vrai que comparativement aux autres, il est. C'est pas. Ça relève pas du génie. Mais c'est un. En tant que film d'action, au même titre que The Expendables, c'est Attends, c'est pas confortable à numéro regarder. 5. Attends, j'ai un petit doute. Parce que c'est Belle Journée pour Mourir, c'est le quatrième ou le cinquième? Ah, non, c'est le cinquième, pardon. Il a pas fait Die Hard 4, il a fait Die Hard 5. Je sais pas si c'est pire. Parce qu'attends, le 5, c'est pas avec son fils? Mais non, je crois que c'est le 4 avec son fils. Je sais pas, j'ai pas Non! vu. Le 4, c'est avec le hacker. Le 4, oui, le 4, c'est avec le hacker que moi j'aimais beaucoup. Mais qui. Oui, bah, Oui, il c'est va, ça, bah, Die Hard 4, le Retour 4, en oui, il est enfer. vachement bah, il est vachement bien. Moi, je l'ai revu il y a pas longtemps. Il est, franchement, il est cool. Bah, moi j'ai bien aimé, mais c'est vrai que comparément aux trois premiers. Ah oui, non, mais après. Bon, en plus, si tu places le premier avec Rock dedans, voilà. Voilà, et puis je suis désolé. Bon, ok, le 4 est quand même un peu cool, parce que le hacker, justement, le fameux hacker, Il est connu comme acteur. Oui, bah oui, c'est le premier Hitman. Attends, le hacker. Le hacker de Die Hard 4, c'est le premier Hitman. C'est celui qui joue le premier Hitman? Oui. Et Oh putain, non, tu te fous de ma attends, gueule, pas que attends. non, Thomas, attends, parce que moi je les ai Non, pas vus, parce que là, au pardon, niveau attends, de la Justin gueule. Long. Ouais, Ah non, Justin Long, attends. Non, parce qu'il y a le non. mec qui joue, il y a le mec qui joue le premier Hitman dans Die Hard 4. Par contre, le mec qui joue le hacker a joué dans Dodgeball. Il Ah, a je l'ai vu dans quelque chose joué. de plus fort comme film. Il a joué dans Jusqu'en Enfer, il a joué dans Funny People. Il a joué dans My Movie Project aussi. Il a joué dans le dernier Veronica Mars. Il a joué dans le dernier Kevin Smith. Kevin Smith qui d'ailleurs était dans Die Hard 4. Ah, ce qui est marrant, c'est que je trouve que Justin Long, il a un petit côté, mais alors vite fait. Keanu Reeves. C'est pour ça que j'ai dit un petit côté. Ah si, je l'ai vu dans Jeepers Creepers aussi. Ouais, mais alors là, tu nous cites des films. Oui, bon voilà. Voilà, c'est merde, mec. Sérieusement, quoi. Ah, et dans Zack et Miri tourne un porno, je savais bien que je l'ai vu quelque Oui, part. bah oui, Zack et Miri, oui, bien entendu. Mais franchement, Dodgeball, quoi. Merde. Dodgeball. C'est vrai. Dodgeball, c'est le nerd, quoi. C'est la pom-pom girl. C'est oui, il joue la. Enfin, c'est compliqué. Mais bref. Parce que là, on s'écarte quand même vachement du sujet. Non, moi j'ai beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé à l'époque, hein, le premier Hitman. Le deuxième, je l'ai pas vu. Après, les jeux, très sincèrement, je sais pas si je vais les faire. Mais honnêtement, te connaissant, en plus, enfin, honnêtement, même si t'es pas fan d'infiltration, hein, ce que je peux parfaitement comprendre, il y a tellement moyen de se coller des barres. Et juste ça, moi, te connaissant, mais honnêtement, te voir jouer Hitman, mais je serais mort de rire. T'as tellement de possibilités que ça serait mais fantastique. Mais je te le dis, hein. Fantastique. Je sais pas, parce que là je vais parler un peu Real Talk, puisqu'on a le comment le vous savez bien qu'il y a la chaîne YouTube, tout ça. Et donc là, à l'heure où on enregistre, donc quand de toute façon le podcast sera déjà sorti à ce moment-là, je sais pas, on a fini Watch Dogs. C'est-à-dire que Watch Dogs, oui. c'est fini. Après Watch Dogs, j'enchaîne directement avec Prototype. Oh. Voilà, parce qu'en fait, normalement, début avril, donc il y a quelques jours pour vous, on devait faire un jeu avec Babal, Yota et Apo. Je vous dirai lequel c'est plus tard, mais Babal, Apo et Yota et moi, on devait faire un jeu. Le truc, c'est que Babal ne peut pas avant fin avril pour la... à cause de la Neocast. Donc du coup, on a dû repousser à fin avril pour commencer un petit jeu qui s'appelle la saga Borderlands. Ça va être très bon ça. Voilà, donc du coup, moi j'ai cherché un jeu à faire entre en fait Watch Dogs et Borderlands. Donc je me lance dans Prototype. Normalement, quand vous écouterez ça, ça sera peut-être pas sorti, je sais pas. Mais ouais, en tout cas, Prototype. Et après, je sais pas, mais... Enfin, moi, tu me connais, quand je fais un jeu, j'aime bien faire la série en entier. Bah oui. Et donc, si je commence les Hitman, il faudra que je les fasse en entier. Sachant que là, j'ai donc les trois Borderlands à faire, parce que j'ai acheté The Pre-Sequel, j'ai guaqué Steam entièrement. J'ai complètement guaqué Steam parce que... Petit real talk encore une fois, hein, petit tutoriel comment casser Steam. D'accord ? Ça commence par vous prenez des jeux que vous avez déjà. Par exemple, moi j'avais Borderlands 1 que j'ai acheté il y a 4 ans. Je l'avais acheté à 10€ à l'époque avec les DLC. C'était le GOTY que j'avais acheté à 10€ dans un Leclerc. Enfin bref, voilà. Vous prenez Borderlands 2 qu'un ami vous a offert en GOTY pendant les soldes Steam, qu'il a payé 7€. Donc ce qui fait un petit 17€. Et puis, vous avez Steam qui fait des packs de jeux. Et jusque-là, quand tu achetais un pack de jeux, tu achetais le pack complet. Par exemple, le pack Borderlands, c'était Borderlands 1, Borderlands 2 édition GOTY, tous les DLC de Borderlands 1 et Borderlands The Pre-Sequel. Le tout pour, on va dire, 20€. Ce qui te fait, en fait, Pre-Sequel à 3€. Ce qui te fait, en fait, que maintenant, avant, quand tu achetais le pack, si tu avais Borderlands 1 et 2 et que tu achetais le pack pour avoir le Pre-Sequel à moins cher, eh ben c'était mort parce que tu étais obligé de payer 20 boules ton pack. Et que tu avais acheté Borderlands 1 et 2 pour rien parce que tu ne pouvais pas les offrir à quelqu'un et tu ne pouvais pas les enregistrer sur ton compte vu que tu les avais déjà. Ce qui peut faire assez mal. Qui pique. Ça peut piquer. Et donc il y a 2 semaines plus ou moins, enfin à l'heure où on enregistre, c'était pas ce week-end-là mais le week-end d'avant. Ils ont sorti un pack Borderlands. Et maintenant, Steam, quand tu as des jeux dans ta bibliothèque et que ces jeux sont dans un pack, ils sont retirés du pack et le prix aussi est retiré du pack. Ce qui faisait que j'ai eu Borderlands The Pre-Sequel qui était normalement à 15,99€. Je l'ai eu à 4,80€. La bonne affaire. Le tuto, comment Gouac estime, par Venom. En parlant de Gouac d'ailleurs, j'y pense. J'ai réservé Quantum Break. Ah oui. Et donc, comme je l'ai réservé, je vais avoir droit à la version digitale de Alan Wake et son... pas vraiment DLC. Enfin, Alan Wake et tous les DLC avec... suite, ouais. Avec l'espèce de spin-off. Oui, oui, oui. Sauf qu'ils font partie des jeux rétro-compatibles. C'est pour ça qu'ils offrent la version digitale. Sauf que moi, Alan Wake, ainsi que tous les DLC et le spin-off, je les avais déjà DL sur ma Xbox 360. Merde. Ce qui fait que Donc je vais avoir les codes de téléchargement. Et je connais quelqu'un qui m'est proche, qui est la 360. Pense à moi. Pardon, j'ai mal à la gorge, là, je comprends pas. Non, et non, donc c'est... je me suis dit, qu'est-ce que je vais foutre de ces codes? Eh ben, si tu veux me les filer, moi je veux bien. Même si je crois que j'ai déjà Alan Wake. Alors, je suis pas sûr de l'avoir en vrai. Je suis pas sûr de l'avoir du tout, en fait. Je crois que je dis des conneries. Alors, c'est pas Ubisoft, c'est EA. Il y a trop. Alors, Real Talk. Encore, on fait beaucoup trop de Real Talk. Real Talk. Messieurs les éditeurs, comme messieurs des chaînes de télé ou messieurs des sites internet, ça ne sert à rien de faire 50 services différents qui font la même chose. Ça ne sert à rien d'avoir TF1 Replay, M6 Replay, Canal Plus Replay, W9 Replay, NT1 Replay, D8 Replay. Ça ne sert à rien. Les gens veulent quelque chose de centralisé, comme ça ils lancent, France Télévisions Replay, et ils ont accès à tous les replays de toutes les chaînes de télé de France. Vous voyez, ça c'est bien, ça c'est cool. C'est, tu veux regarder une série de TNT, pas la TNT que nous on a en France, mais TNT, une chaîne américaine. Tu veux regarder les séries de TNT, tu veux regarder les séries de ABC, tu veux regarder les séries de CBS, tu veux regarder les séries de USA Network, tu vas sur Netflix. Netflix, c'est bien. Netflix, ça centralise tout. Et même s'il y a des gros cons genre HBO qui refusent que leur série arrive sur Netflix, ce qui fait que bah, tu ne peux pas regarder Game of Thrones, Les Sopranos, The Wire, tout ça sur Netflix, tout le monde s'en fout parce que HBO, tout le monde le pirate. Non, on peut pirater HBO ? Oui. Ah. Donc, pardon, je suis mort de rire comme un con. Donc, messieurs les créateurs de jeux, pensez à nous et faites la même chose. Au lieu de faire, EA Origins, Ubisoft, Uplay et Steam, faites tout sur Steam. Tout sur Steam, c'est bien. Tout sur Steam, les gens sont contents. Vous voyez, c'est bête, hein. Mais si tout était sur Steam, ce serait bien. Ce serait la vie. Et moi, là, ce qui m'emmerde, c'est que vous voyez, j'ai littéralement les trois ouverts sur mon PC actuellement. C'est-à-dire que, en plus, c'est avec des conneries. C'est-à-dire que, par exemple, sur mon Origin, j'ai Dragon Age Origins. Sauf que sur mon Steam, j'ai aussi Dragon Age Origins. Parce que j'ai eu Dragon Age Origins gratos sur Origin quand il est sorti. Et j'ai eu Dragon Age Origins dans un comment ça s'appelle, un Humble Bundle sur Steam et pas sur Origin. Vous nous faites chier. Vous nous emmerdez avec vos 50 millions de plateformes. Et je pense que je suis pas le seul. Et c'est pour ça, autant que moi j'aime beaucoup. Enfin, comme moi je trouve que les consoles c'est pas mal aussi. Parce que sur Xbox, t'as pas 50 plateformes qui te vendent des jeux. Sur Xbox, tu as le Xbox Marketplace. Et si ton jeu n'est pas sur le Xbox Marketplace, tu ne peux pas y jouer sur ta Xbox. On est d'accord ? Bah oui. Donc il serait temps, messieurs des PC, de faire la même chose. De rendre compte que personne ne veut avoir 50 millions d'installeurs installés sur son PC, tout ça pour pouvoir jouer au jeu qu'il a acheté. Surtout quand c'est des trucs qui sont cassés, hein, parce que autant Steam a des problèmes, c'est vrai, mais Origins et Uplay, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment, vraiment, vraiment de la merde. C'est caca. C'est du gros caca. Donc, il serait temps, messieurs, de vous arrêter, de vous rendre compte que ce n'est pas ce que veulent les joueurs. Et que c'est pas en mettant votre titre sur Steam, plutôt que sur votre truc à vous, que ça va vous ramener beaucoup, beaucoup plus d'argent. Hein, spoiler alert, les gens qui achèteront sur Steam achèteront enfin les gens qui achètent sur Origin, si vous mettez votre jeu sur Steam, ils vont pas se dire ah non c'est sur Steam je vais pas acheter. Non, non, ils se diront ah le jeu est sur Steam, je vais l'acheter sur Steam. Hein? Donc bande d'emmerdeurs, plutôt que de nous faire chier, faites quelque chose qui permette aux gens d'être centralisés. Centralisés, c'est cool. C'est cool de centraliser, c'est génial de centraliser. Moi j'adore centraliser. J'aime beaucoup. Voilà. J'aime énormément quand c'est centralisé, ça me plaît plus. Ça me plaît beaucoup plus. Et voilà, vous êtes chiant. You are very chiant, merde. You are very chiant. Du coup, bah maintenant je suis énervé et j'ai aucune idée de ce que je vais jouer après prototype. Je sais pas. Et ça m'énerve. Centralisation de merde. Il y a un truc quand même qu'on va faire, mais je pense plus les mettre après. Ah oui, j'ai 50 millions de briquets, dont certains qui sont vides, je suis désolé. Il y a une série de jeux qu'il faut que je fasse. Alors, sachez quand même que tous les jeux qu'on fait sur la chaîne YouTube, on en parle dans YOLO Records, hein, c'est le but. C'est qu'on en parle dans YOLO Records. Et il y en a, je sais plus si on en a déjà parlé ou pas, il faudrait que je rebranche. Allez, j'ai juste à brancher le port USB, c'est magique, la technologie les gars. La technologie, je vous jure. Je pensais qu'il était débranché électriquement, mais en fait non. Je peux avoir accès à mon disque dur externe. Quand il voudra se lancer, voilà, merci beaucoup. Disque dur externe de merde. Disque dur externe de merde qui est pas centralisé. Non, le disque dur, alors il me semble pas. Alors attendez, on va faire la petite review de ce qu'on a fait pour l'instant. Murdered Soul Suspect, The Witcher d'ailleurs. Peut-être qu'un jour on fera The Witcher 3. Si on se sent. On a fait les Batman, hein. Ça on les a fait. Dark Souls, ça on a fait d'ailleurs. Peut-être bientôt, ça va dépendre. Ça va dépendre de... Puisqu'il sort très bientôt, mais il y aura probablement un épisode sur Dark Souls 3. Parce que Dark Souls 3 sort quand même le 12 avril. Et ça promet. Shovel Knight, Outlast, le 3, les films, Until Dawn, Mad Max, le processus créatif, n'est-ce pas Puck, le remake de FF7, les sorties de 2016, le débat. Le débat, Xbox One versus PlayStation, le débat, l'horreur, BioShock et Deadpool. Donc tout ça, on a déjà fait. On vous dit pas les prochains épisodes parce que là, on va enregistrer deux autres épisodes de YOLO Records. On vous dit pas ce que c'est. Mais c'est des jeux qui ont aussi été faits sur la chaîne. Et moi, plutôt que d'aller regarder dans les vidéos, je vais regarder dans les playlists de la chaîne YouTube. Parce que j'ai fait une playlist par jeu. Très bientôt, sachez-le, ça va venir très bientôt. On va faire les Pokémon. Oui. J'attends d'avoir fini. On a presque fini. À l'heure où on enregistre ça, j'ai presque fini Pokémon Platine. Donc il restera que Noir et Noir 2 à faire. On n'a toujours pas fait, alors on en a parlé très rapidement, on en reparlera, des Hotline Miami. Oui. On n'a pas fait non plus une autre grosse série de jeux qu'il va falloir que je continue avant qu'on en parle, les Fallout. Oui. Les Fallout, donc il y a les deux séries qui arrivent. On vous fera aussi, promis de la vie de l'univers, on vous fera un YOLO Record sur les jeux indés. Ça va être fun, ça. Ça va être fun, parce qu'il y en a pas mal dont on va parler. Et je réfléchis, il y en a encore pas mal qui arrivent, mais il y en a un, je croyais qu'on l'avait fait, et en fait non. Et du coup, je suis très content qu'on l'ait pas encore fait. C'est une série que je risque de faire juste après les Borderlands. Je pense que Puck, tu sais de quoi je veux parler. On parlait de meurtres qui passaient pour des accidents. Oui. C'est une série de jeux où tu peux rejoindre une confrérie d'assassins et tuer des gens avec des chandeliers et faire passer ça pour des accidents. Cluedo ? Je vais le frapper. Non, t'es sûr que tu ne vois pas ? Skyrim ? Oblivion ? Exactement. On peut tuer des gens avec des chandeliers ? Eh ben, il y a une mission, puisque justement, quand tu parlais du chandelier, moi, ça m'a fait penser à ça. Il y a une mission dans Oblivion où on doit tuer un mec. Et pour le tuer, on peut donc soit rentrer chez lui et l'assassiner, et à ce moment-là, il faut scoltiner ses gardes avec, soit rentrer chez lui, aller dans un mur caché qui donne sur les plinthes, en fait, de la maison, où on a accès au chandelier. Et si on va à une certaine heure de la journée, de 8h à 10h le soir, le mec est assis dans son fauteuil juste en dessous d'un chandelier, et tu peux te détacher le chandelier lui tombe dessus, il est mort, et toi tu ressors de la maison tranquille. Énorme. Voilà, donc les Elder Scrolls, on va les faire aussi. Et là, les gens qui écoutent le podcast sont fous. Surtout que j'ai les boules parce qu'il y a une super promo sur le Elder Scrolls Online. Et je me suis dit la promo est sur PS4 et Xbox One. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Sauf que, grosse carotte moldave, si tu n'as pas d'abonnement PSN Plus ou Gold, tu ne peux pas y jouer. Oui. Et moi, je me suis dit, c'est au pire du pire. Tu sais, je me le fais, enfin, comme j'ai vu qu'il y avait un compte, enfin, c'est un grand monde, mais t'as des quêtes à faire. Enfin, finalement, j'ai un pote qui m'a montré. Tu peux jouer avec des gens, comme tu peux jouer tout seul, finalement. Enfin, donc je me suis dit, bah, au pire, je m'en fous, j'y joue tout seul. Ah, c'est un Elder Scroll. Bah non. Dans le cul. Non, mais oui. On en parlera de Elder Scrolls Online. On en parlera pendant la chronique sur les Elder Scrolls, quand je les aurai fait sur Twitch. Mais spoiler alert, Elder Scrolls Online est très mauvais. Spoiler alert, il est très très mauvais. Et je pense que là-dessus, on va s'arrêter. Allô, et on... Oui, et on va vous faire des bisous. Et voilà, on va vous faire plein de bisous. Et on se retrouve, eh bien, la semaine prochaine. Si, même si, chaîne, même heure. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission avec un peu plus de peps. Quand même, une émission, oui, avec un peu plus de... C'est le retour des vacances qui est difficile. Moi, je dirais Savonnette Simulator. Moi, je dirais Quenelle Simulator, surtout, oui. Oh. Ok, alors, je sens que la semaine prochaine, ça va être musclé. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances que ce soit musclé, parce qu'apparemment, on n'a pas la même opinion du jeu. Donc on va vous faire plein de bisous et puis on se retrouve la semaine prochaine. Oubliez pas d'aller de vous abonner au Mixcloud déjà pour ne rien louper. Pour ne pas louper, vous recevrez un mail à chaque podcast mis en ligne. Il y a les 18 précédents qui sont en ligne, donc ils ok. Il y a les deux lives aussi. Bon, oui. Même si en réalité il faut que je monte le deuxième et que je l'upload. Depuis. On l'a fait quand le deuxième live ? Oh, il y a un petit moment déjà. Attendez, je regarde ça, détail. Allez, octobre 2015. Ça fait 6 mois. Ouais, mais c'est pas grave. Je l'ai toujours pas uploadé. Ouais, le deuxième live, je vais essayer de le mettre dès que possible. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour Savonnette, aka Rien Simulator, apparemment. Non, pas rien, Quenelle. Quenelle Simulator, salaud. Donc, on vous fait des bisous et on se retrouve très bientôt. Bye bye, les gens. Tchuss!